C'est l'émission 375 qui commence maintenant. Excusez-nous pour ce début d'émission un peu chaotique, un petit peu comme le morceau que vous venez d'entendre, signé Pet Brick, le second album de ce projet depuis 2019, projet amené par Igor Cavalera, l'ex-batteur du fameux groupe doom brésilien Sepultura, Et son comparse, donc c'est un duo, Pet Brick, son compare Wayne Adams de Cower ou Big Lad. Voilà, c'est ensemble, ils font une doom noise électronique assez anxiogène et libératoire, on va dire. Et d'après leurs auteurs, cet album est le miroir dément, entend refléter le miroir dément de ce que ça fait d'être isolé. Donc, ils n'ont pas trop supporté le confinement, je pense. Voilà, il y a plein d'invités, dont les plus connus sont sans doute Steve Von Till, pardon, de Neurosis, et Igor, le français Igor. Voilà. Sinon, dans cette émission, on aura un petit peu de post-hardcore, un second album de la semaine. On aura une séquence rock psychédélique. On aura des choses un petit peu new wave, un petit peu dark wave, new wave. Petite séquence comme ça. On aura une séquence IDM. On aura un second album de la semaine, une séquence de pop mutante avec Hulu. On aura de la pop francophone, on va dire. Et on aura une séquence de pop féminine. Et on terminera par, on va dire, de la folk avec le troisième album de la semaine signé Black Ox Orchestra. Voilà, on démarre tout de suite avec le premier album de la semaine qui nous vient de Londres, qui est signé par le fameux quatuor Petrol Girls, qu'on avait déjà découvert via leur album Cut and Stitch en 2019, qu'on a beaucoup aimé ici. Là, c'est leur troisième album, donc depuis 2014. L'album s'appelle Baby. Il est assez court, il fait 34 minutes, et il y a une dizaine de morceaux dessus. Donc, c'est un quatuor qui est entre punk hardcore, post-hardcore, riot girl. Quelques morceaux assez popisants et un côté assez pop sur cet album. Il y a des rythmiques assez de mat-rock et une espèce d'angularité un petit peu post-punk, le tout pour des morceaux quand même vraiment, vraiment plutôt catchy. Donc on va écouter deux extraits. Le premier s'appelle Feed My Fire. On le fera suivre de l'extrait Bones, donc Petrol Girls, c'est parti. Fight me, do you? uses me differently, secretly. Energy, part of me. This is me. Vous avez pu donc écouter la rage toute électrique et féminine des Petrol Girls, donc tirée de ce très bon album Baby, que je recommande si vous aimez un peu tout ce qui est mouvement Riot Girl. On poursuit avec une séquence rock psychédélique et on démarre de suite avec des vieux de la vieille du genre, à savoir The Brian Johnston Massacre. Leur 19e album depuis 1995, alors son 19e album en fait, puisque c'est surtout maintenant le projet solo d'Anton Newcombe qui s'entoure d'un groupe à la composition très très variable d'album en album. On avait adoré son Ophébème de 2012 où il avait des déviances assez expérimentales ajoutées à ce rock psychédélique. Là, il revient à des choses beaucoup plus space rock, façon spiritualized des débuts, on va dire. Il y a pas mal de puissance déployée par la formation Tessentoré pour l'occasion, qui est formée de musiciens scandinaves. C'est toujours sorti chez A Records, qui est le label d'Anton Newcombe. label de Balèze à Berlin, vu que maintenant Anthony Com vit à Berlin, et il y a vraiment des morceaux convaincants, genre space rock, comme le Inflatable Mindfuck, Ineffable Mindfuck qu'on va écouter maintenant. Donc The Brian Johnston Massacre, c'est parti. In your dream, it's Voilà, juste après Brian Johnston Massacre, toujours dans des terres psychédéliques, mais peut-être un petit peu moins rock. On a écouté Vinyl Williams, son sixième album depuis 2012, Cosmopolis. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Hyperbolique. Lionel Williams, c'est son vrai nom. Il habite à Los Angeles, c'est le petit-fils du grand John Williams. Voilà, sa musique associe synthé et guitare cristalline ainsi que ligne de basse assez funky, assez lascive pour déboucher sur une sorte de space pop rétro-futuriste, acidulé et presque new age. En tout cas, il le fait bien, hein. Ça passe bien. Et voilà, c'est plutôt un bon album dans le genre si vous aimez les choses un petit peu planantes. On poursuit avec une séquence Dark Wave, New Wave. On commence par NVSN, prononcé Invasionen, qui est un quintet suédois qui a sorti là son cinquième album depuis 2010. L'album s'appelle Let the Night Love You. Donc c'est un quintet qui nous vient donc d'Umeå en Suède, qui est mené par Dennis Lichsen, qui officiait auparavant en tant que chanteur sur le groupe punk hardcore Refused et ou sur le groupe plus noise, The International Noise Conspiracy. Et qu'il a donc un projet un peu plus new wave, aux accents assez dépêche mode, avec un côté cependant plus sec et plus rock assez martial. Le morceau qu'on va écouter s'appelle « Au phare, are we fallen ?» Touch the ground. How far have we fallen? Have we fallen all the way down? How far have we fallen? Do you wanna know just how? How far have we fallen? Do you wanna save your life, a sparkle that we glow, never to explode. Surprise! juste après Invasionen, on est resté un des contrées, un petit peu dark wave avec Horde, quatrième album depuis 2016. C'est un projet bordelais appelé par Sébastien Karl, donc l'album s'appelle Science. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle London. C'est sorti chez Avant Records, donc c'est un projet cold wave aux influences EBM, shoegaze, techno et même un petit peu cinématographique. Il y a une coloration fortement électronique, c'est assez froid et il y a des structures plutôt pop, catchy et dansantes dessus. C'est plutôt un très bon album dans le genre. On poursuit avec une séquence un petit peu IDM, donc un petit peu électronique, abstraite et vaguement dansante, on va dire, avec Werko S, donc, qui est un des multiples pseudos d'un certain Brian Leeds, qu'on connaît également sous les pseudos donc, Pendant ou Lloydis, et qui est un pionnier de ce qu'on appelle l'Outsider House, qui est une version un peu plus expérimentale et lo-fi de ce que peut être la house music. Mais sur cet album-là, il navigue entre IDM, techno-minimal et ambient. Tous les morceaux sont bâtis sur des rythmes assez déstructurés, avec des mélodies un petit peu labyrinthiques. Alors c'est abstrait, mais c'est vraiment intéressant. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Plonk 4, puisque tous les morceaux de cet album s'appellent Plonk, suivi d'un morceau, un chiffre romain. Voilà, Plonk, c'est parti. Voilà, juste après Werko S, on a pu écouter notre grand nom des musiques un peu abstraites, on va dire, puis qu'il s'agissait de Clark, Chris Clark, donc un des piliers du label Warp, dont on avait adoré l'album Ira Delphic de 2012, qui a été l'album de la semaine ici. Donc c'est un anglais, il habite à St Albans, le Hertfordshire. Cet album est le 14e depuis 2001. C'est une compilation de morceaux jamais sortis, composés entre 2006 et 2011. Une période de grande créativité chez Clark, une période où il touche un petit peu à tout, que ce soit des rythmes un peu acides, de la drum and bass frénétique, du breakbeat, du dub, de la jungle, de l'IDM, de l'ambient un peu contemplatif. Il touche vraiment, vraiment à tout à cette époque-là, et cet album le reflète bien. Le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle Dead Charcase, et donc cet album qui s'appelle 5-10, comme 5 octobre on va dire, est un excellent point d'entrée dans sa riche discographie. On poursuit avec le second album de la semaine, qui nous vient également d'Angleterre et qui est également signé chez Warp. Décidément, les grands labels ne meurent jamais. Cet album donc est un album de Wulu, W-U-L-U. C'est le projet solo d'un certain Miles Roman Hopcraft, éducateur dans des centres pour gamins en difficulté. Son métier on va dire principal et à ses heures perdues. Il est également membre de Touching Bass, un collectif d'artistes du sud de Londres, et il a sorti suffisamment de deux choses avec Touching Bass pour proposer cet album là, ce premier album Loggerhead. Pour le coup, il s'est adjoint les services de Mika Levy, musicienne expérimentale anglaise, à ses côtés pour le produire. Il y a beaucoup d'invités sur le disque, comme Asha Loren, Amon, Lexamore, Léa Sen. Et au niveau musical, on navigue entre hip-hop, trip-hop et musique expérimentale. Au niveau référence, on peut penser à du Tricky, du Young Feather, du Red Sniper, ou plus proche de nous, du Yves Tumor. Donc c'est assez do it yourself, c'est abstrait, c'est cérébral, c'est parfois schizophrénique, parfois claustrophobe, parfois aérien. Il y a des boucles hypnotiques, un chant, tantôt un spoken word, tantôt un chant lancinant, et tantôt un peu rappé, tantôt un hip-hop. Donc c'est de la pop mutante, de la pop moderne, comme on l'aime. On va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Sauce, c'est presque un morceau de fusion rap metal, on va dire. Et on le fera suivre par l'assez inclassable morceau Times. Donc, Wulu, c'est parti. There's a bunch of left, but it's all blessed.

termine toujours un petit peu abrupte de Wooloo. Donc, c'était notre second album de la semaine, donc Wooloo, l'album Loggerhead. On poursuit avec une séquence un petit peu plus pop francophone, on va dire. On commence avec Kernini Mons, qui est un quatuor qui nous vient de Lyon et qui est composé de l'ensemble du trio Decibel, auquel on ajoute un guitariste. Donc Decibel, c'est un groupe qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup aimé ici, un groupe un petit peu pop-punk, assez décalé, très attachant, mais qui a arrêté donc de faire des morceaux sous cet alias Decibel, qui a changé de braquet un petit peu, et avec beaucoup moins de velléité punk. Donc ils ont formé Kernini Mons, donc ce quatuor qui fait de l'indie rock comme Bruin Noisy, assez décalé, aux paroles assez poétiques. Donc il y a ce guitariste chante aussi qu'ils ont ajouté, il y a un chant mixte du coup, puisqu'il y a deux femmes, deux hommes. Dans le groupe, ça ouvre pas mal de possibilités. Donc le morceau qu'on a écouté s'appelle Feu de joie, donc c'est tiré d'un premier EP qui s'appelle Kernini Mons. Il n'y a pas encore d'album, mais on a hâte d'écouter un premier album. Voilà. Le roi est descendu parler au monde. Avec sa reine furibonde, il nous est parvenu, livrant ses grands préceptes dans tout le royaume. On y entendit des psaumes aux relents abjects. On va croiser le fer, j'ai mis un homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Braver la foudre et la tempête. Frères et sœurs, brandissons les drapeaux. Et les pics du malheur, nous irons au château. Libérer le donjon. Libérer le donjon. Des armes. Que les dragons de l'envie ne brisent pas le charme. Que les sorciers dissidents ont inscrit dans nos têtes, dans nos vies de manants, notre soif de fête. La croisade ne cesseront pas, même si la peste nous décime. Dans le château, sous les arcades, brûlera le feu de joie. La reine, le roi, au foyer du brasier. We'll be right back. l'hydromel. Ménestrels et mendiants ont rebattu les cartes et le cycle s'achèvera pour recommencer lorsqu'un hardi s'avancera vers le trône dénudé. Juste après Irnini Mons, on est resté dans de la pop francophone, on va dire, puisque c'est un duo suisse qui s'appelle Citron. Duo comme c'est une fratrie mixte, Zoé et Augustin. Voilà, c'est des chansons au refrain un petit peu transcendant, comme ça, des complaintes synthétiques avec des mélodies assez romantiques. Et voilà, une espèce d'album aux frontières de la pop de chambre, des chants médiévaux et de l'ambiance, des textes presque enfantins, assez naïfs, qui dévoilent un spleen lumineux et souvent assez touchant. On poursuit avec de la pop féminine, on commence par Wasteblood. Donc Wasteblood qui a sorti son cinquième album depuis 2011, l'album s'appelle End in the Darkness, Hearts Aglow. Donc c'est le projet de Nathalie Laura Mering, projet qui évolue un peu aux confins de la pop de chambre, de la folk psychédélique, du soft rock romantique. Alors romantique, c'est pas un vain mot, c'est vraiment très très romantique sa musique. Parfois de la noise ou du rock expérimental, hein, c'est un peu plus rare. Voilà, cet album est un album de confinement produit par Jonathan Rado, membre de Foxygen. Voilà, il y a des paroles sur la dislocation de notre tissu social qui est un sujet qui visiblement la touche beaucoup. Et voilà, c'est un mix donc de folk sophistiqué à la Jimmy Mitchell, de soft rock de type Carole King ou de pop rock à la Stevie Nicks. Alors parfois, ces morceaux sont peut-être un peu trop produits. Parfois c'est vraiment bien, ça touche juste. Comme le morceau qu'on va écouter maintenant qui s'appelle The Worst Is Done, Waste Blood. C'est parti. It's been a long, Voilà, donc juste après Ways Blood et Red Steven, des choses assez romantiques avec R.I. Wanda. Donc c'est le morceau qu'on vient d'écouter, s'appelle Say to the Silver Sun, est tiré de Internal Radio, son troisième album depuis 2016. Donc R.I. Wanda, c'est une croato néerlandaise qui vit, je crois, à Amsterdam, qui s'appelle Marina Tadic de son vrai nom. Cet album est signé chez Joyful Noise Recordings, label de Chat de Fer, je crois. Elle est passée d'une subtile fusion entre indie folk et bedroom pop DIY qu'elle pratiquait sur les albums précédents à une dream pop synthétique tour à tour éthérée ou puissante, mais en tous les cas assez vénéneuse et obsédante. C'est un très bel album. Voilà, donc recommandé, c'est Internal Radio de R.I. Wanda. On va conclure cette émission par le troisième album de la semaine qui nous vient de Montréal, donc qui est proposé par le quartet Black Ox Orchestra. C'est un quartet composé de Thierry Amar, Scott Gilmour, Gabriel Levin et la grande Jessica Moss, la violoniste qu'on aime beaucoup ici, dont plusieurs albums déjà ont été des albums de la semaine ici. Ce sont des gens qui gravitent beaucoup autour du label Constellation. Cet album est d'ailleurs sorti sur le label Constellation. Plusieurs des musiciens, ces musiciens de Godspeed Du Black Emperor ou de The Silver Monzion. Et sur ce projet-là, Black Ox Orchestra, et il propose une musique inspirée du folk klezmer ou de la musique tzigane, ainsi que de la musique balkanique. Il y a un chant en yiddish, chanté d'une voix grave par Scott Gilmour. Il y a une remarquable qualité des orchestrations. Il y a une majorité de morceaux assez sombres, mais quelques morceaux sont assez enjoués, de type valse. Alors évidemment, quand on l'écoute, on pense beaucoup à Leonard Cohen. Je pense que c'est une des grandes références du site et le projet Couture, donc de revisiter les répertoires klezmer et yiddish, toutes deux expériences de migration et de déracinement, mais de les revisiter sous un angle d'attaque, on va dire, un petit peu plus punk. C'est en tout cas ce que disent ses membres. Donc on va écouter deux très beaux morceaux, cet excellent album qui s'appelle Everything Returns. Le premier morceau s'appelle Perpetual Peace et le second, dont le titre est en yiddish, s'appelle Mizrak Mimarav. Je ne sais pas ce que ça veut dire, voilà. Mon yiddish est un peu rouillé, comme on dirait. En tout cas, il conclura cette émission. Et je vous dis à dans 15 jours. Et je vous laisse à les excellentes mains du Black Ox Orchestra. Mit Betuch in den ganzen Wegen. ما رفست يا قلبي تشيد زخفون زيخ تشيد ويبيني تنقريت كفير في دار جنبوير Protest zogen, besser Fleit wie Feind.